ce Dieu qui l'inspire. Elle achève son lire. Lothario, Wilhelm, qui je donc en délire? Je devine, je vois, je sens, je ne puis dire. Où t'en as-tu conduit et quel est ce pays? Oh, ma vie!